plus accessible. Il est maintenant possible d'écouter ta radio où tu veux, quand tu veux, sur ton téléphone intelligent. Écoute La Marge en direct, navigue dans les semaines archivées de chaque émission, consulte notre palmarès de la semaine, tu peux même y acheter ta musique. Visite le CISM893.ca pour plus d'informations. L'application mobile de CISM, disponible gratuitement sur Android et iTunes. CISM, la nouvelle expérience radio. Yeah! Salut tout le monde, c'est les vieux brochets, Fred, Gros Manet, tu écoutes CISM. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Tear Jerker, la chanson You Can de l'album, ou plutôt mini-album Hiding, qui paraissait plutôt cette année. Bonsoir, plutôt bonne nuit à tous. Je m'appelle Jean-François Lusignan. Je serai en votre compagnie pour les deux prochaines heures, donc jusqu'à 2 heures du matin, pour cette courbe 2.0. Donc Mathieu m'a demandé de le remplacer pour les deux prochaines semaines. Habituellement, j'anime l'émission Le Terminus, qui est en pause estivale. Émission qui se concentre sur l'indie rock et un peu tout ce qui gravite autour de ça. Donc ça risque de teinter ce que vous allez entendre dans les prochaines heures. Pour vous donner un petit aperçu, on va entendre du Lower, du Trams, Dinian Porch, Slow Animal, entre autres. Et bien, la liste, comme d'habitude, de toutes les chansons sera disponible à la fin sur le CISM893.ca. On commence dans un premier segment de quatre titres, quatre chansons. Ça va débuter avec du gros indie rock londonien, la formation Happiness. Leur album Weird Little Birthday sortait à la mi-juin. Et par la suite, ce sera du Pop Strangers, ensuite du Petit Fantôme, également du CI et du nouveau Peter Kernel qui vient de sortir. Mais pour l'instant, on y va tout de suite avec Happiness and Naked Patience sur les ondes de CISM. Yeah. We'll be right back. ponytail. I shot mountaintop, walking on my own legs. I massaged my massage, massaging this mess. I kissed my white van. White gets jealous. Mom, take care of me. Fever, un des deux premiers extraits du quatrième album du duo canado-suisse Peter Kernel. L'album est prévu, lui, pour janvier 2015. Donc, 2015, ça sent bien, faut pas l'oublier. Et Peter Kernel avait pris une petite pause dans les derniers mois pour laisser plus de place au projet électro-rap de la chanteuse Barbara Lennoff, projet qui s'appelle Camilla Sparks. Donc, allez voir ça, c'est assez intéressant, assez différent de Peter Kernel, mais quand même, donc ça a des petits rythmes quand même similaires. On avait entendu avant Peter Kernel du CI, un nouvel album qui vient de paraître également. Album Endless Wonder. On va y aller maintenant avec deux groupes qui seront à Montréal le 17 octobre prochain à la Vitrola sur le boulevard Saint-Laurent. Il s'agit de Ice Age et de Lower. On commence tout de suite avec Lower et leur titre Lost Weight Perfect Skin. Tout ça sur CISM le 89.3. L'émission La Courbe 2.0 jusqu'à 2h.

êtes à l'écoute de La Courbe 2.0. Jean-François Lusignan avec vous au remplacement de Mathieu Saint-Jean. Vous venez d'entendre du bon vieux Waves, la chanson Bug. C'était précédé de Montréalais de Bummer avec Still the Nights. Bummer qui ont sorti un mini-album l'année dernière en 2013, donc s'appelle également Still the Nights. C'est disponible sur le bummermtl.bandcamp.com. Et on avait débuté ce segment avec deux bands danois qui seront en ville au mois d'octobre prochain. Il s'agissait de Ice Age et Lower. On va poursuivre avec un nouveau groupe garage américain. Il s'appelle White Reaper. Ce sera la chanson Cool. Et par la suite, ce sera la formation Junk avec la chanson Car. Tout ça sur les ondes de CISM, bien sûr. Oh, Le 14 juillet dernier, Fat Cat Records faisait paraître Saisa, le nouveau mini-album de la formation anglaise Trams, duquel on vient d'entendre la chanson Selma. Dans les dernières minutes, il y avait également la musique d'un gars de la Nouvelle-Écosse, John McKeel, la chanson New Tracy. On avait aussi dans les dernières minutes la formation Junk et la chanson Car. Après le rock garage, on va maintenant y aller avec un peu plus math rock, noise slash grunge. On débute avec Bug and Rats de leur album homonyme qui sortait en juin dernier. Voici Competition sur la courbe 2.0. We'll be right back. heart. Where you been? It looks like you're lost yet again. The side effects don't kick in. Placebo love. Hold my hand if you think I can change anything. When you finally learn that I can't, you let go. Il y avait de la douleur là-dedans. C'était le groupe américain Rachel avec Placebo Love. Ça se retrouve sur un split qu'ils ont fait paraître plus tôt cette année avec la formation Nouns. Ça se retrouve sur le Nouns, Nouns.bandcamp.com. Avant, vous avez aussi entendu la musique de Nushu avec Interférence destructive. Si vous voulez aller voir un spectacle, c'est le 6 septembre que ça se passe au Bistrot de Paris sur Saint-Denis, pas loin de Mont-Royal. Et avant nos shows, vous avez entendu Crab qui nous parlait des couteaux d'Internet. Maintenant, ce qu'on va entendre, c'est ce qui était au départ le projet solo de Joseph Walsh. Maintenant, c'est un groupe, donc la formation Danian Porch sortait leur troisième album à la mi-juin. Album appelé Observatory et qui propose un beau mélange de psychédélique, pop, grunge et lo-fi, tout ça en même temps. Pour vous en donner un aperçu, je vous propose d'entendre trois chansons de cet album. Dans l'ordre, vous allez entendre Forever Unobscured, Got to Fly et finalement Arched, tout ça de Danian Porch. Vous êtes toujours sur les ondes de CSM dans la courbe 2.0. Thank you. On vient de s'écouter trois chansons extraites du dernier album de Daniel Porch, Observatory, c'était dans l'ordre Forever, Unobscured, Got to Fly et finalement Arched. Et le groupe, ben, après avoir été signé sur Capture Tracks pour leurs deux premiers albums, ben là, sur leur troisième, ben, ça sort sur le label anglais Faux Disque. Si vous écoutez l'émission en direct, je vous rappelle que la liste des chansons complètes, la liste complète, sera disponible à la fin sur le CISM893.ca dans la section de la courbe 2.0, évidemment. On va poursuivre avec un joli segment indie rock qui contiendra du Art Beach, du Boy Toy, groupe groupe anglais de Brooklyn que j'adore, oui. Du Scarves également, mais on commence tout de suite avec Peel Friends du mini-album Fade Into Nothing sorti au printemps dernier. Voici Clonopin de Peel Friends. Yeah. one of these days I'll try and call you. If only to say goodbye. We'll be right back. jusqu'à 2h du matin. C'est la courbe 2.0 qui se poursuit. Jean-François Lusignan, toujours avec vous au remplacement de Mathieu Saint-Jean. On vient d'entendre une chanson qui se retrouve sur une compilation du label australien Wrong Place. C'était le groupe Heart Beach avec la pièce Records. Avant ça, c'était un de mes nouveaux groupes préférés, Boy Toy, avec la chanson Runner. Il y avait aussi auparavant Warm Beds du groupe Scarves. Maintenant, on va écouter une formation de Philadelphie qui font un rock assez accrocheur aux sonorités grunge. Voici Slow Animal avec Drink. Yeah. Oh que oui, venez d'entendre dans les dernières minutes la musique de Slow Animal avec Drink. Ensuite, c'était Of Love avec The Great Crocodile qui figure sur un 7 pouces qui vient de sortir. Et ce qui jouait à l'instant, c'était Geronimo avec Spitting in the Ocean. Et maintenant, ben, vous avez sûrement entendu la nouvelle plus tôt. Ben, en fait, c'est vers la fin de l'année dernière, le groupe de Walkman qui a annoncé sa séparation. On appelle ça maintenant un hiatus prolongé. Depuis, on a reçu ici à la station le premier album solo du chanteur de Walkman, Hamilton Lettaser, qui est quand même assez pop. C'est pas ça qu'on va entendre ce soir. Plutôt cette nuit, le bassiste de la formation, qui s'appelle lui Peter Matthew Bauer, a décidé lui aussi de sortir un album solo qui est sorti au mois de juin dernier également. Album qui s'appelle Libertation, qui s'inspire par moments également de Father John Misty. C'est pas mauvais. Je vais vous faire entendre la chanson Latin American Ficiousness de M. Bauer. Mais juste avant, allons-y avec Benjamin Shaw, You and Me, sur le 89.3 CISM, la courbe 2.0. Lazy frame, like you and me. Sea in the blue. Les Australiens de Tape Off avec Different Order, leur album Chipper est sorti au mois de juin sur le label australien toujours Sonic Masala Records. Avant Tape Off, il y avait Joey Four avec Boys to Girls. On avait aussi entendu quoi donc du Peter Matthew Barr, ancien bassiste de The Walkmen, qui sont maintenant séparés ou en pause. On avait débuté les segments avec Benjamin Shaw et You and Me. L'émission de ce soir, ben pas mal terminée. Je vais quand même vous faire jouer encore de la musique avant vraiment que l'émission se termine. Vous allez entendre du Clearance, les dignes héritiers de Pavement, la chanson Merchant Copy. Ils ont un nouvel album qui s'en vient le 26 août prochain et c'est disponible. Il y a une chanson en écoute déjà sur le unsatisfiedrecords.bandcamp.com. Et ensuite, si on a le temps, on entendra du King Tears, Mortuary, également la formation, si on a le temps, King Creep. Alors voilà, je serai toujours avec vous également la semaine prochaine pour un deuxième remplacement de Mathieu Saint-Jean. Sinon, ben voilà, je m'appelle Jean-François Lusignan, je vous souhaite une très bonne fin de nuit et on se reparle la semaine prochaine pour une autre édition de La Courbe 2.0. Ciao!